jour si ça parle encore de sous. Tu veux plus me voir, je reviendrai par la petite porte de secours. La boule au ventre quand j'en vois faire les poubelles tard. Demande à Slimane comment recrute la nouvelle star. Au passage, merci, tout comme le pote au marceau, pour m'avoir fait revoir l'humilité dans le maestro. Je perds le nord des normes, je veux sortir d'elle. Mais peur qu'après l'héros, je trouve les sorties belles. Un rire assorti de peine. Moi je suis un mauvais menteur, je redoute moi la fin que le game over. Foncer droit dans le mur, hein. Combien le font sans s'arrêter. On se ment à soi-même à croire à la sincérité. Elle est rare comme un rappeur plaqué d'or. Comme un mec sur les bons rails en plaqué d'or. Je m'épuise mais je me bats contre les ondits. Ce monde est louche, à force de se mater le nombril. Au loto les boules font leur numéro. L'argent des soirs au PMU l'anonyme va miser le cheval de Troie. Au miroir, mon beau miroir, dis-le moi. Je suis la plus belle mais je ne plais qu'à toi. Je veux tout, tout, tout et tout de suite. Qui m'aime me suivre, soyez prêts pour la poursuite. Non, restez vous même s'il vous plaît. Hey, les enfants, évitez ce jeu de société. Je veux tout, tout, tout et tout de suite. Qui m'aime me suivre, soyez prêts pour la poursuite. Non, restez vous même s'il vous plaît. Hey, les enfants, évitez ce jeu de société. On n'a qu'une vie, suivre le fil des parcs. Aujourd'hui l'arche de Noé n'est plus qu'une vieille épave. La biodiversité fut grise mine, on râle quand c'est rush. Je te parle pas de celle de l'homme trop cancéreuse. Il parle trop, vas-y poto mais pas ta Yves. Tu veux rouler sur l'or mais c'est le tonneau des Danaïdes. J'en ai ma claque de m'en prendre j'avoue. Je rêve juste de quitter mon chambranle un jour. Marginalisé, je les ai vus ces gens qui sont enfants de Don Quichotte. Ces gens qui te balancent cash, un de ces froids polaires horribles qui te sort ses clichés plus vite que son polaroïde. Toujours les mêmes qui prêchent pour leur paresse. Toujours les mêmes qui se prêtent au paraître. Au final, ça reste l'enfer. Souris peut-être que c'est flashé, espèce de ver solitaire. J'ai vu un homicide quand Peach blesse Mario. Mais jamais un plombier français devenir empresario. La violence, combien ne l'ont pas payé. J'attends les coups de cravate si je m'envole au nœud papillon. Je veux tout, tout, tout et tout de suite. Qui m'aime me suivre, soyez prêts pour la poursuite. Non, restez vous même s'il vous plaît. Hey, les enfants, évitez ce jeu de société. Je veux tout, tout, tout et tout de suite. Qui m'aime me suivre, soyez prêts pour la poursuite. Non, restez vous même s'il vous plaît. Hey, les enfants, évitez ce jeu de société. Je veux tout, tout, tout et tout de suite. Qui m'aime me suivre, soyez prêts pour la poursuite. Non, restez vous même s'il vous plaît. Hey, les enfants, évitez ce jeu de société. Je veux tout, tout, tout et tout de suite. Qui m'aime me suivre, soyez prêts pour la poursuite. Non, restez vous même s'il vous plaît. Hey, les enfants, évitez ce jeu de société.